go so far. Go so far. Go so far. T'es même pas bonne. Go so far. T'es même pas bonne. Go so far. T'es même pas bonne. Go so far. Elle fait la belle, elle est même pas bonne. Ce soir on dort pas, à la villa c'est la rapta.